Une mandragore dans le jardin, de Clémentine Pacherie, lu par Clémentine pour audiocité.net. Le jardin était calme, la soirée douce et paisible. Le jour déclinait. Oiseaux et insectes s'abreuvaient dans l'eau du canal qui, dans le jardin, descendait en pente douce et permettait l'irrigation des plates-bandes du potager. Rien d'exceptionnel, donc. Quand soudain un bruit se fit entendre. Difficile à identifier, cela ressemblait à deux chats qui se disputaient. D'abord intermittent et faible, il gagna rapidement en intensité pour se répéter encore et encore. Vers le petit matin, enfin, le calme revint. La nuit suivante, vers 22 heures, ce furent cette fois comme des cris de corneille, nombreux il est vrai dans le secteur, mais à la tombée de la nuit. Une fois encore, ils furent forts et ne cessèrent qu'au petit matin. Le lendemain soir, la palette sonore s'enrichit. Cette fois, on aurait dit les pleurs d'un bébé mécontent. Le niveau sonore était le même que précédemment. Par moments, on croyait entendre des voix comme si quelqu'un essayait de calmer l'enfant. Tout cela jusqu'au lever du jour. Puis il y eut des grognements associés à des aboiements de chevreuils. Eh oui, il n'y a pas que les chiens qui aboient. Il était également à craindre que les sangliers ne soient revenus. Pourtant, nous avions installé il y a quelques années des clôtures anti-gibier, partiellement enterrées pour précisément éviter leur retour. Ils avaient été une plaie pendant des années, labourant le jardin à chaque visite. L'inspection que nous avons menée au petit matin ne révéla, heureusement, rien de tel. Tout cela s'entendait à plus de 400 mètres à la ronde, atteignait 90 décibels environ, peut-être davantage si l'on se réfère à l'expérience que nous avons eue lors de l'achat d'un effaroucheur à l'époque de l'irruption du gibier et qu'à l'évidence nous ne pouvions garder. Le sommet fut atteint lorsque la nuit suivante, le « concert » rassembla tous ses cris et en ajouta quelques autres. Que faire? Observer le jardin n'aidait pas à identifier l'auteur ou les auteurs de la nuisance, d'autant que, de par sa situation, l'endroit faisait caisse de résonance, donc ne permettait pas de distinguer avec certitude d'où provenait le son. Nous étions agacés, fatigués à force de dormir de manière discontinue, résolus à découvrir l'origine de cette pollution sonore. Une petite dalle de grès permet de passer d'un côté à l'autre du canal avec une tondeuse hélicoïdale. Et c'est sous cette « passerelle » que nous l'avons, ou plus exactement, les avons trouvées. Deux grenouilles parfaitement adaptées à leur environnement tant elles se confondaient avec la végétation. Des sons émis en plein jour nous avaient renseignés. Quelques recherches nous permirent de découvrir que, dans la famille des batraciens, existait la grenouille rieuse, au son puissant, voire tonitruant, aux sacs vocaux impressionnants. Ce fut une première pour nous. Nous n'aurions jamais imaginé qu'une telle chose soit possible. Le lendemain, un voisin nous interpella. Il subissait lui aussi les nuisances sonores. Il déclara « Ça, c'est du gros. » « Pas du tout, avons-nous pu lui répondre. C'est une grenouille qui fait tout ce bruit. » Il eut du mal à le croire. Les choses restèrent inchangées quelque temps encore jusqu'au moment où la créature disparut comme elle était venue, à moins qu'elle n'ait rencontré le héron qui fréquemment fait une halte et un tour dans le jardin. Quelques jours plus tôt, sa congénère avait déjà quitté les lieux. Ou avait-elle fait une mauvaise rencontre? Point de mandragore, donc. Apparemment, elles ne manifestent leur mécontentement de manière véhémente que dans les films. Mais un amphibien qui nous était inconnu, au pouvoir de perturbation sans conteste. Ici se termine une mandragore dans le jardin, juillet 2025.